as bétonné ta vie avec du ciment et un peu de whisky pour vivre dans un bloc d'HLM. Et loin de ceux que tu aimes, tu as goudronné tes poumons, envoyé des briques à l'autre bout du monde. Quand tu conduis ton camion, tu sens ton avenir qui fond. Et tu songes au bord du précipice, où la mer dans ses remous noie tes supplices, au jour où tu pries en cachette le bateau pour aller chercher ailleurs du boulot. Aller chercher ailleurs du boulot. Quand tu rentres le soir, le corps brisé, en revenant de ton énième chantier, tu n'as même plus la force de penser. Tu t'endors sans même te déshabiller. Les nuits passent et les années fuient. Chaque jour tu voudrais repartir. Toutes les nuits dans tes rêves tu pries pour pouvoir reconstruire ta vie. Et le vent bouscule tes cheveux blancs. Et c'est du plâtre ou est du vieux simplement. La mer te chante toujours cette même chanson. Reviens, reviens un jour à la maison. Reviens, reviens un jour à la maison. Souvent il t'arrive de militer des gens qui te promettent de réaliser tes rêves enflammés, ce qui t'avait donné l'envie de tout quitter. Et tu y penses dans ta prison à étages que tu as toi-même fabriqué. Tu penses à la mer qui se fracasse au fond du précipice contre les rochers. Au fond du précipice contre les rochers.